Il était une fois dans une jungle appelée Stranglerance. Eh oh! Y'a quelqu'un? Amandine! JP! Circle? Voilà, je crois qu'on est perdu. Wouhou! Tes copains? Ah ouais, non! Je marchais dans une merde de léopard! De Léo quoi? De léopard? Qu'on retourne à la civilisation, les copains. Venez! Barre-toi! Je veux pas mourir! Bon, ce serait bien qu'on reprenne les affaires. À qui dis-tu? On est pas loin pour l'exploration. À gauche! Tournez à gauche! Y'a JP qui s'est fait bouffer. Bon, c'est décidé. On va nager jusqu'au port et ensuite on reprend le premier bateau pour rentrer.